chacun pour soi. Pas ni prétence ceci, pas ni prétence cela, pas ni fraternité. Alors s'il vous plaît, allez. Bah dis-moi c'est parti ou pas parti. On gagne pas violent.